Le théâtre populaire de juin 44 présente Le signe du feu de Diego Fabri dans une adaptation de Thierry Maulnier et Costa Durels avec Pierre Peloux, Jean Negroni, Jean Brassat, Bachir Touré, Alain Mottet, Jean-Roger Cossimon, Bernard Véron, Moni Dalmès, Jacques Fayet, Anne Doat, Marcel Alba, Jean-Paul Moulineau, Pierre Ferval, Robert Verani et Olga Nilza. Maurice Bertrand vous parle. Sans avoir retrouvé son prestige comme au Moyen-Âge, le théâtre religieux bénéficie depuis plusieurs années d'un nouvel attrait pour le grand public. Après Paul Claudel, Diego Fabri, avec Inquisition, Le procès à Jésus et Le signe du feu, a engagé son théâtre dans la défense de la foi chrétienne. Le signe du feu, œuvre poétique et grave, vous permettra d'apprécier le genre particulier d'un des maîtres actuels de l'art dramatique italien. Cette émission clôture la saison 1966-67. Nous espérons vous retrouver tous à l'écoute de juin 44 au début de l'automne prochain. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée. Nous espérons vous retrouver tous à l'écoute de juin 44 au début de l'automne prochain. Et maintenant, mes chères auditrices et mes chers auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée. À Berlin, à l'heure où le soir tombe, un petit appartement dans un grand hôtel assez luxueux, salon et chambre. Une partie de la chambre voisine et du palier sont également visibles. Allô ? Le 252 ? Allô ? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô ? Allô ? Ici Stéphane. Ah. Bon voyage. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Oui, c'est moi. Alexis est avec vous? Non, je suis seul. Comment seul? Oui. Venez. Je monte. Le 719, s'il vous plaît. Allô? Pedro? Bon voyage? Oui. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. C'est moi, le président. Je suis chez moi. Voulez-vous prévenir le 425 et le 427? Ils doivent être arrivés. Ce sont les Américains. Qu'ils viennent au 252. Ne leur dites rien d'autre. Ne prenez pas l'ascenseur, c'est plus prudent. Et comment se fait-il que vous soyez arrivé seul? J'ai attendu à la frontière jusqu'à la nuit. Personne n'est arrivé. Je pouvais attirer l'attention, alors je suis venu seul jusqu'ici. Les consignes données à Alexis étaient précises? Très précises. Nous étions rencontrés lors de la fête de nos usines, à un concours de chant choral. Nous avons pu causer longuement sans nous faire remarquer. Accord complet. Aucun malentendu possible? Absolument aucun. Son voyage était-il dangereux? Pas particulièrement. Avait-il sur lui des documents compromettants? C'est exclu. Je lui avais donné l'itinéraire, le lieu de notre réunion, l'hôtel, le numéro de la chambre. Il n'avait sur lui aucun papier. On détruit tout, toujours. Donc, vous pensez qu'il peut encore arriver? Aucune idée. Il se peut qu'il arrive, comme il se peut que... qu'il ait eu un ennui sérieux. La frontière est très surveillée. Chut. Entrez. Prenez place. Il manque Rome. Mais Rome viendra de toute façon plus tard. Du moins, je l'espère. Vous en prenez le reste, cela. Non, ce n'est pas tout à fait cela. C'est que... j'ai seulement fait remarquer l'absence de Rome, mais il y a un autre absent. Un de nos amis qui aurait dû arriver avec Stéphane. Espérons qu'il pourra encore nous rejoindre à temps avec l'aide de Dieu. De toute façon, nous pouvons commencer. Dans la chambre voisine. Voici votre chambre. Elle a tout le confort, naturellement. Je me suis occupé personnellement de vous la choisir, à côté de l'autre. Vous jugerez par vous-même. Vous aurez une belle vue. Je vous remercie. Vous qui me connaissez depuis ma jeunesse, vous n'avez pas oublié mes goûts esthétiques. Oh. Quelle joie de vous revoir après tant de... Pas maintenant. Tout à l'heure. Vous avez raison. Je crois que les présentations sont superflues. Et quoi qu'il en soit, l'Espagne, oui. L'Amérique... Et voici la Russie. Celui que nous attendons vient aussi de... Oui, nous travaillons dans le même pays. Excusez-moi, messieurs. Le téléphone, il était dans la chambre à côté. Il vaut mieux le brancher ici, vous pouvez en avoir besoin. Merci, monsieur le directeur, merci. Il ne fallait pas vous déranger. Il faut fermer les rideaux. C'est plus prudent. C'est peut-être moi qui vous ai dérangé. Nous avons été un peu surpris, nous ne vous avions pas entendu entrer. Excusez-moi, je me suis servi du passe-partout. Loin de moi l'idée de vous déranger, tandis que, encore une fois, toutes mes excuses. Bon travail. Voulez-vous que je vous envoie quelque chose à boire? Non, merci. Nous sonnerons en cas de besoin, merci. Bien. Il pouvait nous écouter comme il voulait de cette chambre. Oui, s'il était resté caché, il s'est montré. Bizarre. Cet homme-là sait quelque chose, ou voudrait savoir quelque chose. On nous fait prendre des mines de conspirateurs, et le résultat, le voilà. Nous attirons les soupçons dès la première minute. C'est idiot. Je vous en prie. Mais c'est à nous qu'il incombe de juger si les précautions que nous avons prises étaient utiles ou non. Je vous demande pardon, monsieur le président... À force de jouer le rôle d'un ouvrier, on perd le sens des subtilités diplomatiques, mais pourquoi une pareille mise en scène? C'est exact. Nous sommes réunis ici, et non pas dans une des maisons qui nous appartiennent, parce que dans cette circonstance particulière, nous devons n'être que des voyageurs qui se sont rencontrés dans un hôtel par hasard. Berlin est le lieu du monde où cette rencontre entre ceux qui viennent de l'Ouest et ceux qui viennent de l'Est est la moins difficile. Notre présence ici n'engage que nous-mêmes, nos personnes, ne l'oublions pas. S'il y a un risque, c'est personnellement que nous le courons. S'il devient nécessaire de démontrer que la compagnie est étrangère à cette réunion, nous pourrons être démentis, désavoués et même punis. Et pourtant, vous avez dit tout à l'heure que Rome viendrait. Rome doit venir. Mais Rome ne sera qu'une présence, rien de plus. Un participant comme chacun de nous. Cela ne changera pas le caractère de notre réunion. Bref, nous sommes tous dans l'incognito. Exactement. En ce qui me concerne, je n'ai pas eu l'impression d'être suivi pendant mon voyage. Et pourtant, je sais que je l'ai été. Depuis cette fameuse histoire des fuites, nous ne pouvons pas faire un pas sans que quelqu'un s'occupe de nous. Le père Farrell, un des spécialistes les plus réputés de la science nucléaire américaine. Le fils de l'illustre John Stewart Farrell... dirige une équipe de chercheurs dans la cité atomique d'Oakridge. Pour quitter le territoire des États-Unis, j'ai dû demander une autorisation spéciale au département d'État. Bon, le fait d'être membre de la Compagnie de Jésus ne constituait pas une garantie suffisante. Cette qualité ne change rien au problème aux yeux de la section spéciale chargée de la protection des secrets scientifiques, ni aux yeux des services de renseignement de l'État qui souhaiteraient s'emparer de ces secrets. Je serais étonné si quelqu'un chargé de ma protection ou de ma surveillance n'était pas déjà installé au Berlinerhof. Pourquoi donc tenez-vous tant à la clandestinité? La clandestinité n'est jamais chrétienne. Lorsque le christianisme est vrai, il est scandale ou il est martyr. Scandale jusque dans le martyr. Témoignez. Témoignez, voilà ce qui est exigé de nous, et malheur aux habiles. Le père Hudson. Le père Hudson a été emprisonné par le gouvernement Malan en Afrique du Sud. Il a été sérieusement blessé par les partisans de la ségrégation après un sermon prononcé dans l'Alabama. Il est l'âme de notre apostolat parmi les gens de couleur. Mais pourquoi nous forcer à nous glisser le long des murs? Nous avons bien besoin de ça. Sommes-nous prêts à aborder le fond de notre ordre du jour plutôt que de nous buter sur des questions de forme? Ce ne sont pas des questions de forme. Et l'autre qui n'arrive pas, arrêté, tué, peut-être, est-ce une question de forme? Et moi? Moi qui devrais retourner là d'où je viens, une fois cette réunion terminée, est-ce une question de forme? Moi-même, j'ai quelques inquiétudes au sujet de ma présence ici. J'apprends à l'instant que cette réunion est clandestine, enfin, secrète. Si j'avais pu prévoir, peut-être que... Vous ne seriez pas venu. Je n'en sais rien. Vous auriez désobéi. Si nous sommes ici sans rien savoir, ou presque, de l'objet de cette rencontre, c'est que nous avons déjà obéi. Alors attendez dans l'obéissance que les éclaircissements viennent. Vous vous moquez de nous? Qu'est-ce qui vous prend? Vous m'ennuyez. Ces discussions m'ennuient. D'autant plus que j'ai des choses plus précises à dire. Votre bavardage ne m'intéresse pas beaucoup. C'est peut-être ma faute. Je pourrais revenir plus tard. Asseyez-vous. Mais qu'avons-nous donc à être si nerveux? C'est peut-être cet endroit. Si nous savions pourquoi nous sommes ici, dites-le nous. Notre réunion est exceptionnelle. Nous voulons même qu'elle soit pour nous quelque chose de radicalement nouveau. Il s'agit d'examiner certaines erreurs qui ont pu être commises. Je dis une réunion exceptionnelle. Tout compte fait, l'heure que vit le monde n'est-elle pas exceptionnelle? Ce que nous voyons autour de nous, au-dessus de nous, en nous, n'est-ce pas le signe de l'Apocalypse? Je ne le sais pas. Mais si cette heure du monde est celle de l'Apocalypse, si elle est bien cette heure, quelle est aujourd'hui la force de la foi chrétienne pour l'affronter? Quelle devrait être cette force? Quelle pourrait être cette force? C'est à nous de le dire ici. À vous, plutôt. Tous, tant que vous êtes, vous avez été avec plus ou moins de sévérité rappelé par vos supérieurs immédiats et même par le général de l'ordre à la discipline, à l'obéissance. On vous sait depuis longtemps tourmenté, inquiet. Et ce qui est plus grave, inquiétant. Mais nous ne vous avons jamais barré la route. Peut-être parce qu'une inspiration de la Providence nous avertissait que le moment viendrait qu'allait sonner l'heure du monde où la compagnie aurait besoin de vous. Oui, de vous, les inquiets. Une société qui, à l'heure du danger, fait appel à ses hommes les plus tourmentés, les plus inquiets, je m'excuse de reprendre vos paroles, les plus inquiétants, est une société qui ne peut pas périr. Je suis fier d'être jésuite. Nous en sommes tous fiers. À partir de cette minute, et pour tout le temps que durera votre débat, chacun devra exposer sa pensée sans détour, sans vaine prudence. Sur cette concession faite à la liberté, j'ai fini. Il faut quelqu'un pour diriger les débats. Je vous ferais injure si je vous croyais incapable de maintenir de l'ordre dans votre discussion sans qu'il y ait là quelqu'un pour diriger la musique. Voilà. Entrez. Permettez-moi, messieurs, de vous remettre ces invitations. Mais c'est une fête. Oui, monsieur, la fête annuelle de l'hôtel. Quand ? Ce soir. C'est indiqué sur le carton. Dans un moment, vous entendrez la musique en bas, dans les salons du rez-de-chaussée. Nous serons très honorés. Malheureusement, je crains que nous ne puissions assister à votre soirée. Je le regrette. L'un d'entre vous ne pourrait-il pas y descendre un moment ? Ce sera difficile. Cette réunion doit nous tenir plusieurs heures. C'est dommage. Ce serait pourtant une occasion... Une bonne occasion ? Oui, de vous montrer. Votre absence ne sera-t-elle pas remarquée ? Je me permets de vous donner ce conseil. Moi, je laisse la direction de cet hôtel juge de l'opportunité de troubler durant toute une nuit le sommeil de vos hôtes. Pourquoi troubler ? Vous avez parlé de musique. La musique ne trouble jamais, monsieur. Au contraire. Ah, c'est vrai. La musique ne trouble jamais. Amusez-vous bien, messieurs. Il fait de l'ironie à nos dépens. Nous allons donc délibérer sur fond musical. Ce qui est extrêmement énervant. Ah, cela dépend. Alors, nous commençons. Mais le premier point à préciser serait celui de nos moyens d'action dans les divers pays. La Russie ? Chez nous, aucun moyen légal, cela va de soi. Terre de mission ? Non, je n'ai pas voulu dire ça. Ce n'est pas une terre d'infidèles. La foi existe. Mais notre action dans la vie politique, zéro. Aucune influence, à moins que cette influence ne s'exerce sur un autre plan, celui de la diplomatie secrète. Je l'ignore de cela, seul Rome, enfin le représentant de Rome, s'il était là, aurait pu nous informer. Il ne l'aurait peut-être pas fait. C'est probable. L'Espagne ? Nous sommes au centre de la vie politique et sociale. Vous la dirigez ? Nous agissons sur elle. Efficacement. En vous découvrant en tant que jésuite ? Quelquefois. Il y a d'autre part une garantie donnée à... Au régime ? Non, non. Pas une garantie. Pas tout à fait. Mais dans la situation où se trouve l'Espagne, la compagnie a décidé de courir le risque d'une certaine collaboration. Bien. Alors ? Reste à savoir précisément si c'est bien. Je n'ai pas donné une opinion. Nous l'avions compris. L'Amérique. Les États-Unis. Et nous sommes présents. Université, collège, association culturelle. Les hommes politiques ont donc pour nous des prévenances particulières, des clins d'œil. Nous faisons mine de ne pas nous en apercevoir. Une escarbille peut être gênante. Ainsi, nous jouissons d'une indépendance totale. Et nous tirons profit de cette indépendance. Est-ce seulement une tactique ou bien êtes-vous convaincu que l'entente avec les chefs politiques finit par être une perte de temps ou même une fausse route, eu égard à notre but véritable ? Peut-être est-ce une tactique ? Nous tenir à l'écart des politiques pour mieux nous servir d'eux. Voilà le point. Et c'est ce dont nous devions parler. En toute netteté. Nous avons reçu du fondateur un ordre. L'ordre de christianiser l'histoire. Devons-nous avouer que nous avons échoué ? Pouvons-nous parler librement ou non ? Oui, mais nous sommes libres aussi de n'être pas d'accord. Devons-nous, oui ou non, faire l'histoire chrétienne ? Au lieu de faire l'histoire, nous nous sommes mêlés à l'histoire, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas vrai. Je voulais vous rappeler que nous avons déjà tenté de faire... Enfin, que nous avons fait... Un lambeau d'histoire. Notre tentative d'un gouvernement direct au Paraguay. Une terre vierge. Des hommes à l'état de nature que la civilisation n'avait pas corrompu. Et nous, nous, les maîtres absolus, les guides, les éducateurs de ces hommes. Oh, trop, trop beau, trop parfait. Vous savez comment cela a fini. Oui, très bien. Malgré tout, très bien. Vous croyez cela, vous? Les déportations, les destructions, les massacres, la disparition de la carte du monde. Oh, d'accord, cela aurait dû finir d'une autre manière. C'est pourquoi j'ai fait une réserve. Et quelle aurait été cette manière? Il fallait ne pas céder et recommencer. Ailleurs. Dans un autre coin de la Terre. Dans 100 autres. De nos frères du Paraguay, on a fait les martyrs d'une erreur. Au lieu de faire d'eux les martyrs de la première terre chrétienne, de la première véritable et authentique terre chrétienne, crucifiée par les détenteurs du pouvoir. En Espagne, nous n'avons pas à craindre les détenteurs du pouvoir. Au cours de toutes ces années de puissance, en Espagne, avez-vous fait le peuple plus chrétien? Je n'en sais rien. Nous l'espérons. C'est la seule chose que vous devriez savoir. Nous avons affirmé partout la puissance du Christ. Les églises se multiplient. Le Seigneur est prié à haute voix, librement. La vérité est enseignée dans les écoles. Voilà les signes sensibles de la présence de Dieu. Les signes sensibles, je vous l'accorde. Trop sensibles. La véritable présence du Christ n'a pas besoin de notre propagande. Elle a besoin de notre apostolat. Elle a besoin de notre témoignage dans le monde et pour le monde. Je ne crois pas que le Christ soit moins présent en Russie qu'en Espagne, que la Russie soit moins chrétienne que l'Espagne. Notre faute, la voici. Nous avons sérieusement, tenacement espéré mettre dans notre jeu les chefs, les dominateurs, les rois, les hommes politiques. Et les hommes politiques nous trahissent. Ils ne peuvent que nous trahir à un moment donné. On ne peut gouverner chrétiennement, vous avez raison. J'ai raison. Vous avez raison. Il n'y a pas aujourd'hui dans le monde d'hommes politiques chrétiens, s'il n'y en a jamais eu. Il en est qui sont à titre personnel plus ou moins chrétiens, plus ou moins croyants, voilà tout. Il y a près de 20 ans que je fréquente les maîtres de l'État, officiellement ou bien secrètement. Eh bien, la technique de l'action politique ne comporte aucun élément, aucun aspect qu'on puisse dire chrétien. L'action politique est, malheureusement, autre, autonome. Elle fait fi des conquêtes chrétiennes. Et ce qui est pis, elle s'en sert. Elle s'en sert à des fins qui ne sont pas chrétiennes. Moi, je vous le dis, s'il est un facteur diabolique qui agit aujourd'hui sur le monde, c'est l'esprit politique. Nous sommes envahis par lui à tel point que nous ne nous en apercevons même pas. La voilà, la réalité antichrétienne. Pourquoi discuter le problème des hommes politiques? Ils n'en valent pas la peine. Bientôt, ils seront hors d'état de nuire. Leurs jours sont comptés. Leurs jours sont comptés? Je vois que vous ne manquez pas d'humour. Question de temps. Dans 50 ans, dans 60 ans peut-être, à supposer qu'ils soient des démons, comme vous le croyez, ils seront devenus des démons domestiques, bons à mettre à la niche. Ils auront perdu le gouvernement des hommes. Ceux qui vont le leur prendre sont déjà nés. Avez-vous remarqué que nous, les hommes de science, nous finissons par perdre, pour ainsi dire, notre nationalité? Que les grandes découvertes ont cessé d'être nationales? C'est cela qui, en somme, est nouveau. Voilà pourquoi nous serons accueillis par tous avec sympathie, et non pas haïs par les uns et aimés par les autres, comme il vous arrive à vous, de la politique. Ce sera un nouveau type d'homme qui conduira le monde à l'unité, et sans doute à la paix. Que vous le souhaitiez ou non, ce jour viendra. Il est inéluctable. Il est à mes yeux providentiel. Ce monde de demain, gouverné par les découvertes scientifiques, dirigé par les biologistes et les physiciens, sera-t-il un monde sans Dieu? J'avais bien compris votre question. Je songeais à la manière d'y répondre. Dieu, en dépit de tout, sera présent. Les savants modernes, quelques-uns exceptés, je l'affirme au nom de la connaissance que j'ai d'eux et de l'amitié que je leur porte, ont un sens aigu, j'oserais dire un sens mystique, oui, mystique, de la réalité divine. Mystiques, ils le sont nécessairement, parce que chacune de nos conquêtes grandit autour de nous l'immensité de l'inconnaissable. Nous pénétrons chaque jour un peu plus loin dans le royaume du mystère, un peu à l'aveuglette avec les instruments imparfaits qui nous ont servi pour un précédent voyage. Et à chaque nouvelle découverte, c'est comme si nous nous trouvions sur une barque fragile, au milieu d'une mer inconnue et sombre, avec des pièges imprévisibles, de soudaines phosphorescences, de menaçantes immobilités. Toujours plus loin, toujours plus seul. C'est pourquoi la religiosité de ces hommes me paraît suspecte. Suspecte ? Oui. La vraie foi n'est pas un refuge. C'est vrai. Si nous devenons un jour les maîtres de la mort, quel besoin aurons-nous encore de Dieu ? Ah, c'est cela ! Rassurez-vous, c'est la science qui mène aujourd'hui les savants à la foi, parce qu'elle les mène à l'humilité. C'est la science aujourd'hui qui a besoin de Dieu, parce qu'elle a besoin de l'absolu, et qu'elle sait qu'elle ne peut pas l'atteindre. Vous êtes donc convaincu que la science mène le monde vers Dieu ? Oui. Et voilà le nouveau danger. Le danger ? Le danger de Dieu. Le danger de Dieu entrevu, deviné, atteint par les voies de la science. Tout chemin qui mène à Dieu n'est-il pas providentiel ? On croirait que ce chemin atteint Dieu sans passer par le Christ. Comme si l'on avait jeté un autre pont entre l'homme et Dieu. Comme si l'on n'avait plus besoin du médiateur. Un homme nouveau n'est-il pas à la veille de naître ? Un homme qui aura toujours besoin de Dieu, mais qui n'aura plus besoin du Christ. Un croyant, oui, mais le croyant d'un Dieu sans amour. Et je me demande, en tremblant comme un fétu de paille, si cette humanité nouvelle qui s'ouvre déjà le passage sous la grande clarté de Dieu ne va pas un jour commémorer le sacrifice du Christ. Pardonnez-moi ce blasphème. Comme le mythe d'une civilisation abolie. Ce danger, je vous l'accorde, peut être grand. Mais reconnaissez qu'il n'est pas imminent. Il est déjà dans les fêtes. Oui, dans les fêtes. D'accord, en ce qui vous concerne, vous et quelques autres, des cas personnels. Non pour la masse. De toute façon, vous reconnaissez que cela n'arrivera pas demain. Donc, nous avons le temps. Le danger, pour le résumer en peu de mots, serait celui d'un effacement du Christ devant une certaine image, une nouvelle image de Dieu. Eh bien, il faut parer à ce danger. Comment ? Commençons maintenant, ici même, à étudier le modus operandi. Maintenant, vous dites maintenant, ce n'est peut-être pas encore le moment. Et pourquoi ? Chaque minute qui passe est précieuse. Nous sommes encore bouleversés sous le coup de terribles anticipations. Nous avons à nous ressaisir, à méditer un peu sur tout cela. En ce qui me concerne, du moins, je voudrais réfléchir un instant. Je demande un peu de recueillement. Et même une diversion, un changement d'atmosphère. Ne croyez-vous pas ? Peut-être. Nous ne pourrons pas toutefois nous endormir sur tout ceci comme d'habitude. Ah non, non, il ne s'agit pas de cela. Seulement de souffler un peu. Si nous buvions quelque chose, il fait si chaud. Volontiers. Celui qui devrait vous diriger, vous conduire, montre, comme vous le voyez, de la faiblesse. Soyez indulgent. Eh bien, vous commencez à me plaire, précisément à cause de cette faiblesse. Les champions de la force et de l'inflexibilité qui se trouvent parmi nous finissaient par m'agacer. D'accord. Je sonne ? Sonnez. Vraiment, ces messieurs ne désirent pas venir se distraire avec nous en bain, qu'ils puissent au moins se rafraîchir. À l'instant même, nous songions justement à demander quelque chose à boire, mais comment se fait-il ? C'est le directeur de l'hôtel qui, ce soir, reçoit ses hôtes, et ceci vous est offert. Pris à petite gorgée, ce breuvage apaise merveilleusement la soif. Qui le boit n'aura plus jamais soif. Cela vous plaît-il ? Saveur étrange. Délicieuse. Désaltérante. Dites-moi, nous aviez-vous entendu sonner ? Nous entendons tout, absolument tout. Mais ce n'est pas possible, monsieur le directeur. De toute façon, vous n'aviez pas le temps matériel d'arriver jusqu'ici. Je passe dans toutes les chambres. Voulez-vous autre chose ? Encore un verre ? Sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous sommes là pour répondre à tous vos appels. Bizarre. De plus en plus bizarre. Il semble que tout soit écouté. Eh bien, moi, je... Épié. Mais où allez-vous? Je veux observer cet homme. Je veux lui demander des explications, connaître son identité. Enfin, que signifie cette attitude? Ne nous agitons pas, n'attirons pas l'attention sur nous plus qu'il ne faut. Mais on nous surveille. On sait qui nous sommes, c'est évident. Laissez-le aller. Informez-vous un peu. Essayez de voir s'il agit de même avec les autres clients de l'hôtel. Qui en boit n'aura plus jamais soif. Que dites-vous? Que dit-il? Oh, rien. C'est peut-être une formule publicitaire. Allô? Allô? Oui, j'écoute. Stéphane? Stéphane est là? On demande Stéphane. Une voix de femme. Donnez. Allô? Stéphane. Qu'il demande? Il ne me connaît pas, mais je dois lui parler de toute urgence. Il n'est pas ici pour l'instant, je regrette. Ah. Il ne saurait tarder. Où êtes-vous? Ici, dans l'hôtel. Bon, je vais l'attendre dans le hall. Il n'est pas sorti de l'hôtel. Si vous ne voulez pas le manquer, vous pourriez peut-être monter. Il sera là dans quelques minutes. Ah, bon, je viens. Appartement 252, n'est-ce pas? Oui, madame. Qui est-ce? Une femme qui demande Stéphane. Elle monte. Mais il vaut mieux que ce soit un seul d'entre nous qui la reçoive. Notre réunion lui paraît très bizarre. Qui la recevra? Moi. Ne suis-je pas le seul à connaître l'identité de Stéphane? Passez dans la chambre à côté. Laissez la porte entrouverte. J'aimerais que vous l'entendiez. Cette visite est si étrange. Bien des choses sont étranges dans cet hôtel. Stéphane, qui est-il? Peut-on savoir? Il appartient à une noble famille polonaise, les Koromanski. Il y a 3 ans que... Pardonnez-moi. Entrez, je vous prie. Vous êtes sûr qu'il va venir? Je l'attends. C'est donc ici la réunion. Je sais que Stéphane devait prendre part à une réunion. Elle est déjà commencée? Ne vous suffit-il pas de savoir que nous sommes ses amis? Si je l'avais ignoré, je ne serais pas montée. Seriez-vous une de ses parentes? Je crois savoir que Stéphane a des parents, même en France. Je ne viens pas de France, monsieur. Je connais parfaitement la situation présente de la famille... Koromanski. Koromanski. Nous n'abandonnons pas à nous méfier l'un de l'autre. Je ne suis pas une parente. Comment l'avez-vous connue? Où? Je ne le connais pas, mais je saurais le reconnaître. Lorsque vous avez téléphoné, il y avait d'autres personnes dans cette pièce. Je les ai éloignées, parce que j'ai pensé que vous préféreriez. À la réunion est donc commencée. Vous étiez tous là? Vous n'attendiez plus personne? Puis-je les rappeler? Non, non. Un instant. Qui sont-ils? Vous allez voir. Mais entrez, je vous prie. Il n'y a plus personne. Là, non, il n'y a plus personne. Il ne manque que Stéphane. Ah. Oh. Mais vous ne vous sentez pas bien? Non, je... Si, ça va mieux, ça va. Je suis très fatiguée, oui. Ne vous inquiétez pas de moi, j'attendrai là. Nous regrettons de n'avoir rien à vous offrir, on pourrait sonner... Non, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. Vous êtes polonaise, vous aussi? Non, monsieur. Voilà Stéphane. C'est ici, mon révérend père. Ce n'est pas Stéphane, mais ne vous inquiétez pas. Je vois bien que ce n'est pas lui. Je suis Alexis. Bon voyage. Nous ne sommes pas encore au bout du chemin. Je me présente. Le père supérieur chargé de présider cette réunion. Vous êtes en retard. Stéphane vous a attendu longtemps à la frontière. Stéphane? Cette dame ne prend pas part à notre réunion. Elle désirait rencontrer Stéphane. Dites-moi, où est notre ami? Il a dû échanger quelques mots avec vous en sortant d'ici, où est-il? Avec moi? Non, Mais si, quand vous êtes parti après nous avoir offert ces rafraîchissements, il est sorti sur vos talons. Et il s'agit de l'un d'entre nous, le plus jeune. J'ai bien compris, oui, Stéphane. Nous n'avons pas parlé. Si vous avez besoin de lui, je peux le faire chercher. C'est sans importance, merci. Maintenant, si vous voulez bien nous laisser... Mais à l'instant même, monsieur. Je crois que je ne vous inspire guère de sympathie. Ni sympathie, ni antipathie. Je n'ai d'ailleurs pas l'habitude de me laisser guider par la sympathie. Et j'aime qu'on en tire les conséquences. Pourtant, dans notre cas, nous sommes du même pays. Je suis espagnol, moi aussi. Tout au moins, d'origine espagnole. On ne le croirait pas. Ah, c'est vrai, j'ai perdu un peu des traits caractéristiques. Je me suis, pour ainsi dire, internationalisé. Je vous laisse en paix. Il est espagnol, lui aussi. Tiens, tiens. Mais asseyez-vous, Alexis, ne restez pas debout. J'aimerais savoir... Je vous mettrai au courant dès que Stéphane sera revenu et que nous aurons pu renvoyer cette jeune femme. Quand est-elle arrivée? Un instant avant vous. Pourquoi Stéphane m'attendait-il à la frontière? Je n'en sais rien, n'était-ce pas vos conventions? Nos conventions? Ce que vous aviez convenu, Stéphane et vous. Je ne connais pas Stéphane. Qui peut-il être? Vous ne le connaissez pas? Écoutez, je vous prie. Il ne connaît pas Stéphane. Mais qui donc vous a communiqué les instructions? Hilarion. Il m'a donné le mot d'ordre. Uniquique suum. Uniquique suum, c'est cela? Stéphane s'appelle peut-être aussi Hilarion? C'est bien possible. Attendons de savoir. Les amis de Stéphane doivent être aussi vos amis, madame. C'est-à-dire? Vous le connaissez? Absolument pas. Pas vous, elle. Regardez-le, madame. Regardez-le bien, s'il vous plaît. Je ne le connais pas. Nous ne pouvons pas continuer en présence d'inconnus. Absolument pas. Je vous laisse, messieurs. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je trouverai Stéphane toute seule. Ne la laissez pas partir. Cela vaut mieux. Je regrette, madame, mais il nous paraît préférable que vous l'attendiez ici. Ah ? Pourquoi ? Il y a certains points que nous désirons éclaircir ensemble devant tous. Voulez-vous passer dans cette chambre, je vous prie ? N'est-il pas singulier qu'il ait disparu ainsi un instant avant qu'elle n'arrive? Êtes-vous sûr de l'identité de Stéphane? Autant que de la vôtre. Il y a un instant, nous l'étions encore. Avez-vous déjà, au cours de cette réunion, parlé de choses importantes, compromettantes? Importantes, à coup sûr. Compromettantes, je ne crois pas. Pris connaissance de documents confidentiels? Nous n'avons pas examiné les rapports, pas encore. Nous attendons Rome. Ah. Dieu soit loué. Voilà pourquoi je préfère que Stéphane ne soit pas présent, du moins jusqu'à ce que certains doutes soient levés. C'est un rapport secret sur la situation de l'Église. Là-bas, on y trouve les bases d'un compromis possible. Voilà. Le voyageur, dans la chambre voisine, fait entrer Stéphane, qui paraît très fatigué. Il l'aide à s'allonger sur le lit. Stéphane ne tarde pas à s'assoupir. Alexis, nous ne vous avons pas réservé l'accueil que ce rapport mérite. Je ne suis pas venu ici pour être bien accueilli. Il m'arrive de l'être plus mal encore. Je suis d'avance prêt à tout, même à n'être pas reconnu par mes frères, même à être traité en suspect, toujours, pour la plus grande gloire de Dieu. Entrez. Je viens vous informer que votre ami a été vu au bal en compagnie d'un autre client de l'hôtel. Qui? Je ne puis rien vous dire de plus. Nous ne révélons jamais l'identité de nos hôtes. Je puis seulement vous confier qu'il s'agit d'un voyageur qui vient d'Orient. Pensez-vous qu'il soit encore dans les salons? Peut-être. La fête continue? Jusqu'à l'aube. Nous devrions peut-être descendre et le rejoindre. D'autant plus que... D'autant plus. Votre absence a été remarquée. Vous êtes les seuls qui aient boudé la fête. On pourrait faire des suppositions. Qui ont et quelles suppositions? D'après ce que j'ai cru comprendre, vous désirez passer inaperçu. Ne tardez pas trop, croyez-moi. Je ne puis guère descendre dans cet habit. Vous pouvez rester ici. Mais mon révérend père, votre chambre est prête. C'est le numéro 778, au dernier étage. Monsieur le directeur. Madame. Je vous prie d'intervenir auprès de ces messieurs pour qu'ils me laissent partir. Mais est-il nécessaire? Mais il n'y a aucune difficulté. Vous descendrez avec moi, madame. Votre soirée sera très intéressante. Donc, je monte chez moi. Dans une heure, ici. Entendu. Dans une heure. Bon travail. Bon travail. Pour vous aussi. J'ai réussi à envoyer au bal les révérends pères de la Compagnie de Jésus. Et maintenant, je vais les surveiller. Le couloir de l'hôtel. Entre un jeune couple en tenue de soirée qui semble fuir quelqu'un et se trouve brusquement en face du directeur. Nous cherchons notre chambre. Ah, c'est celle-ci. Le directeur ouvre la porte de l'appartement des jésuites. Puis il entre dans la chambre du voyageur où Stéphane dort toujours profondément. Écoutez-les, en bas, dans les salons. Ils sont tous contents. Ce qu'ils ne peuvent supporter, ce qui leur fait peur, c'est de se sentir seuls, prisonniers dans leur chambre. Ce sont pour eux des cellules, oui, des cellules. Ils ont besoin de n'être pas seuls. Alors ils commencent à appeler la sonnette, le téléphone. Ils veulent voir quelqu'un parler, entendre parler. Ils ont peur et ne peuvent dormir. Ils y parviennent un peu avant l'aube. Cela dure 3 ou 4 heures, et cela cesse avec le soleil. Cette nuit, ils sont tous réunis. Seul, l'amour. L'amour se suffit à lui-même. Il fuit les assemblées, la foule. Il s'isole. Il se cache, comme s'il avait peur d'être aperçu. C'est un enfant gâté. Chut, chut, chut. Qui est-ce? Alexis. Que voulait-il? Il ne supporte pas la solitude. Vous avez été surpris d'être rappelé, François-Xavier? Un peu. Oui et non. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre cette rencontre eût lieu entre nous. Il fallait bien que tout fût éclairci, que tout fût expliqué. Quand nous nous sommes quittés, quand vous êtes parti pour l'Orient, j'en ai eu un immense chagrin. Il m'a permis de mesurer la profondeur de notre amitié. Mais c'est vous qui étiez parti. Et si brusquement, avec une telle résolution... J'ai eu raison. C'était au point qu'aux yeux du monde, mon départ était un renvoi. Ou une fuite. Je l'ai laissé croire. Je me suis reproché de ne vous avoir jamais demandé le pourquoi. Quel pourquoi? La vraie raison de mon éloignement. Il devait bien y avoir une cause. Qu'on puisse envoyer au loin ce qu'on aime, au moment où on l'aime le plus. C'est cela que tu ne comprenais pas. Sois sans inquiétude, François. Tu n'avais pas encore compris, c'est vrai. Mais tout s'est passé comme si tu avais déjà compris. C'est pourquoi, ami cher, pour la tâche qui nous attendait ici, c'est à toi que j'ai fait signe et à nul autre. Nous voici donc réunis de nouveau. Voici repris le cours de cette amitié extraordinaire. Extraordinaire, oui. Mais non pas seulement tienne et mienne, élargie, partagée. Tous ne sont peut-être pas des amis. Tous sont des amis, mais tellement distraits. Ils n'ont pas été, en m'apercevant, effleurés par le moindre pressentiment, par le moindre soupçon. Pas un instant, l'un d'eux n'a senti son cœur tressaillir quand je me suis trouvé parmi eux. Mais ils vont vous reconnaître. Espérons-le. Espérons qu'à la fin, tout au moins, ils me reconnaîtront. Maintenant, remettons-nous au travail. J'ai voulu jeter un dernier coup d'œil dans les salons maintenant qu'ils sont presque vides. Rien à faire, il est introuvable. Cela commence à devenir bizarre. Oui, mais préoccupant. Mais voyons, mais elle résiste, cette porte. C'est peut-être Stéphane qui s'est enfermé. Il a pu revenir pendant que nous étions en bas. Vous avez perdu votre clé ? Nous avons bien la clé, mais j'ai l'impression que la porte est verrouillée à l'intérieur. Appelez le directeur. Il y a quelqu'un là-dedans ? Allez me chercher le directeur. Chut, chut. Il y a quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous prend ? Que nous voulez-vous ? Eh bien voyons, je veux entrer dans ma chambre. Comment se fait-il que je vous trouve ici ? On m'a attribué cet appartement. Qui donc ? Bah, le directeur qui nous y a conduit. Comment ? Mais je vous le jure. Mais inutile de jurer, madame. Il doit y avoir une erreur. Nous allons voir. Pardon. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde ? Une invasion ? Va-t-il en arriver encore ? Vous avez perdu quelque chose. Nous n'avons rien touché. D'ailleurs, il n'y a pas plus d'un quart d'heure que nous sommes là. Le rapport, qui l'a pris ? Moi ? Quand je suis sorti, il était sur la table. Mais il y avait là des papiers, des documents. Où sont-ils ? Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous sommes là pour penser à des papiers ? Sonne, toi. Appelle celui qui nous a fait entrer ici. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle, c'est déjà fait. Je vous demande un peu si vous avez déjà vu des voleurs qui s'enferment à clé dans une chambre pour mieux se faire pincer. Le voilà. Dites donc, vous. Vous nous avez fourrés dans une de ces histoires ? Une minute. De quoi s'agit-il ? Ces messieurs ne sont pas contents. Je les comprends. Ils nous ont trouvés chez eux. Vous auriez pu faire attention. Il vous manque des documents, dites-vous ? Une liasse de feuillets. Oui. Ils sont à la direction. Comment cela ? Le liftier les a trouvés dans l'ascenseur. Il a supposé qu'un de ces messieurs les avait perdus. Eh bien, c'est une chance. Et pourquoi sommes-nous ici ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Et ne vous payez pas notre tête. C'est vous qui êtes le responsable. Nous allons arranger cela. Je vous présente mes excuses. C'est un fâcheux malentendu. Quand pourrez-vous quitter cet appartement ? Ce ne sera pas long. Prends mon écharpe sur le lit, Gino. Mais tout cela est très ennuyeux, extrêmement ennuyeux. Mais puisqu'on vous dit que c'est un malentendu, confondre une chambre avec une autre, il n'y a pas de quoi faire un drame. Madame, nous avons à travailler. Oui, nous avons à tenir une réunion importante, je vous en prie. Mais ne vous énervez pas, vous allez la tenir, votre réunion. Vous n'en êtes pas à une minute près. Une réunion très importante, à 7h de la nuit ? Qu'est-ce que vous êtes ? Des politiciens, des industriels ? Nous sommes des gens d'église, madame. Des gens d'église ? Vous voulez dire des prêtres ? Exactement. Des prêtres de chez nous ? Des catholiques ? Oh ! Eh bien, on ne l'aurait jamais deviné. N'est-ce pas Gino qui n'en a pas l'air ? Et cette jeune femme avec eux ? Oh non, j'aurais jamais cru. Eh bien, tant pis. Que pouvez-vous comprendre à l'amour, vous qui êtes pur ? Je ne mets aucune malveillance dans mes paroles. Que pouvez-vous comprendre ? Vous pensez que nous n'aimons pas ? Évidemment, je le pense. À moins que vous ne parliez de l'amour d'une façon générale. Aimons-nous les uns les autres ? Pratiquement, qu'est-ce que cela signifie ? Vous, par exemple, m'aimez-vous ? Oui, je vous aime. Vous dites oui. C'est une façon de parler. Comment pourriez-vous m'aimer vraiment ? Vraiment ? Moi, je vous dis que nous seuls, oui, nous, regardez-nous bien en face. Nous savons ce qu'est l'amour. C'est un autre sens que vous donnez au mot. C'est un autre amour. Il n'y a pas d'autre sens. Il n'y a qu'un amour, s'il est l'amour. Vous dites que vous croyez à l'amour, mais vous avez rougi de honte chaque fois que, comme ce soir, vous l'avez rencontré. Qui, donc, a rougi de honte ? Pas vous, peut-être. Ne m'en veuillez pas. À cause de votre race. D'ailleurs, il y a en vous un élan. Vous êtes plus impulsif. Je suis d'une race qui tue par amour. C'est un instinct qui passe chez nous de père en fils, toujours. Tout à l'heure, je t'ai dit que je t'aimais. Je t'aime. Si tu savais à quel point je t'aime. Il y a 20 minutes, nous ne nous connaissions pas. Nous ne nous étions jamais vus. Aussitôt que j'ai été devant toi, aussitôt que j'ai entendu ta voix, j'ai été envahi, emporté par l'amour. Je t'ai dit... J'ai descendu d'une race sanguinaire. Je t'aime, je t'ai toujours aimé. Avant même de te rencontrer, j'ai souffert de la cruauté de cet amour. Mais qu'y a-t-il ? Qu'y arrive-t-il ? Faites-le taire ! Jadis, j'ai même donné des inquiétudes à ma famille. C'était toi que j'appelais lorsque nous chantions en chœur. Every time I feel the spirit moving in my heart, I will pray. Il me fait peur. Et lui, il t'aime? Vraiment? Oui, je l'aime. Et ça ne vous regarde pas. Gino, tiens-toi tranquille. Il n'était jamais arrivé de la battre par amour. Oh, si. Oh, jamais de la vie, mais qu'est-ce que tu racontes? Un jour, peut-être, il te battra. Et moi, je lui pardonnerai. Parce qu'il me battra par amour. Et s'il te bat encore? Je lui pardonnerai encore. Toujours? Toujours. Ou je me révolterai, je ne sais pas. Et ce sera toujours par amour? Tant que durera l'amour? Il durera toujours. Et s'il ne durait pas toujours? Et si c'était lui qui ne t'aimait plus, qui t'aimait moins? Je l'aimerai encore. Je l'aimerai davantage. Toujours et toujours. S'il se détachait de toi? Et s'il aimait une autre femme? Je l'aimerai toujours. Une femme plus belle que toi? Il commence à sortir avec elle. Tu les rencontres sur les sentiers de la forêt. Tu les surprends sur l'herbe, étendue. Tu t'approches lentement, les pieds nus, pour les surprendre. Tu l'entends dire les mots d'amour que tu écoutais jadis quand il les disait pour toi, les mêmes chansons d'amour. Tu continues à l'aimer? Peut-être. J'essaie de lui crever les yeux. À l'autre? À l'autre, oui. Et à lui? À lui aussi. Ensuite? Ensuite, je ne l'aime plus, je l'arrache de mon cœur. Je le hais. Je le hais, je m'en vais. Tu t'en vas. Tu vois comme il était fragile, le nid de ton amour à la cime du sycomore. Si tu l'avais aimé vraiment, comment pourrais-tu l'arracher de toi, de ton sang, de ta chair, de ta peau, de tes doigts, de tes cheveux? Si tu l'avais aimé pour toujours, pour l'arracher de toi, il te faudrait t'ouvrir les veines et te vider de ton sang et mourir de ta blessure. Je t'ai dit que j'étais d'une race sanguinaire, d'une race qui tue, et on tue toujours par amour. Ce n'est pas un prêtre, il ne parlerait pas ainsi. Je suis bien un prêtre. Noir de peau, mais un vrai prêtre. Je n'ai jamais entendu parler ainsi. Jamais. Nous sommes peu nombreux à parler d'amour ainsi. Et pourquoi? Il est beau d'entendre des prêtres parler de l'amour. Nous avons peur de l'amour. Nous qui devrions en parler les premiers. Nous qui avons inventé l'amour. Vous? Mais comment alors avez-vous pu vous laisser prendre cet amour? Vous le laissez voler par d'autres. Quelle faute vous avez commise? Quelle faute? La plus grande des fautes. Car c'est lui, le crucifié sanglant qui avait inventé l'amour. J'ai suivi sa trace pour me baigner dans son sang. Ah, tu ne sais pas, petite, ce qui est arrivé. Je vais te le dire, moi. Ce soir-là, on l'avait frappé. On l'avait blessé à mort. Le sang coulait de son flanc. À l'intérieur de la poitrine, on voyait battre le cœur, comme le cœur d'un pauvre et innocent agneau égorgé. De cette poitrine, le sang coulait le long des jambes. Il tombait goutte après goutte dans la poussière de la terre. Et la terre buvait, elle buvait ce sang. Et lui, il mourait un peu plus à chaque goutte qui tombait. Et un moment est venu où on a dit, il est mort. Mais il n'était pas mort. On l'a enseveli et il n'était pas mort. Il est sorti du tombeau. Jamais il n'avait été mort. Et il agonise encore. Et les gouttes de son sang coulent toujours de sa poitrine et sont bues par la terre. Et depuis 2000 ans, une vaste enquête est ouverte. Qui l'a tué? Et nous sommes tous inculpés dans cette affaire. Il s'imaginait planter une croix. Il ne savait pas qu'il plantait un arbre. Un arbre qui est devenu immense et qui verdoie et fleurit, ses grandes racines enfoncées dans le cœur profond du monde, dans le sang âpre et noir du monde. Un arbre qui puise ce sang et le transforme chaque jour en un sang de pureté et de douceur. Deviens arbre, toi aussi. Toi qui aimes tellement. Toi qui dis aimer tellement. Ne tarde pas. Fais corps avec l'arbre. Deviens l'arbre. Comment puis-je? Que puis-je? Que dois-je faire? Je suis un peu en retard. Que se passe-t-il? Excusez-moi, je suis entré. Nous ne nous rencontrerons jamais plus. L'arbre. Comment l'appelez-vous? Le sycomore? Je l'appelle le Christ. Le sycomore. Vous êtes allé un peu loin, mon cher frère, tout au moins dans la manière. Il était entendu que notre réunion n'était pas une réunion de gens conformistes, non ? Je n'ai parlé de rien d'autre à ces jeunes gens que de la communion des saints, du corps mystique du Christ. Mystique, Et quoi ? Avant d'être encore mystique, le corps du Christ n'était-il pas un corps humain ? C'était même alors le corps de notre Seigneur, un tout indivisible, vraiment Dieu et vraiment homme. Aurions-nous peur du corps ? Du vrai corps de Jésus-Christ. Peur de l'appeler par son nom. Peur. Peur de tout. On a désormais peur de tout. Entrez. Qu'y a-t-il encore ? Ce sont les papiers que vous cherchiez. Ah, merci. Et notre ami Stéphane ? Il faut absolument le retrouver. Sa disparition commence à nous inquiéter. Il était sorti de cette pièce pour aller vous parler. Qu'avait-il à me dire ? Je ne le sais pas. Ou plutôt, je ne le sais que trop bien. Et c'était ? Il voulait savoir exactement qui vous êtes. Cela n'est-il pas évident ? Mes fonctions, mon vêtement, personne n'a jamais eu le moindre doute. Nous en avons. Stéphane est quelque part dans cet hôtel, retrouvez-le. Bien. Nous reprenons notre travail. Et comment travailler utilement au milieu de tous ces incidents, de ces contretemps ? C'est vrai. Notre réflexion a été troublée, nos idées brouillées. Il nous faudrait nous recueillir, nous retrouver nous-mêmes. Quelques minutes de prière mentale. Et nous pourrions réciter un Pater Noster scandé. C'est une pratique un peu négligée aujourd'hui, mais Ignace avait de bonnes raisons de la recommander. Pater Noster. Qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Dans la chambre voisine. Qu'avez-vous ? Vous pleurez ? Il m'arrive quelquefois de pleurer. Ils sont aveugles. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Notre trouble est-il apaisé ? Il subsiste dans ses causes. Qu'y a-t-il de changé ? Vous êtes aveugle. Si vous ne voyez pas le changement, si vous ne voyez pas maintenant l'erreur que nous avions commise, et quelle erreur ! Nous avions oublié l'amour ! Et la Providence est chargée de nous faire rencontrer l'amour, ici même, parmi nous. Vous avez parlé, Hudson, et de quelle façon ? Vous avez même chanté l'arbre ! Nous avions oublié l'arbre. Encore ? Entrez. Ah, un télégramme, c'est pour moi. Cela nous concerne ? Mauvaise nouvelle ? Rome ne viendra pas. Ah ? Il aurait pourtant été très utile que Rome prît connaissance de ce rapport. Vous pensiez que Rome viendrait ? Moi, non. Et pour être sincère, je crois que c'est mieux ainsi. Et que dit le télégramme ? La forme n'a pas grande importance. En raison, préoccupation plus urgente, jugeons opportun remettre rencontre date ultérieure dans une autre ville mieux choisie. Stop. Prions tout-puissant pour votre succès. Stop. Vœux bonne santé pour vous et personnes qui vous sont chères. Stop. Vous bénissons. Qui signe ? Peu importe qui signe. Nous attachions tous un grand prix à cette présence. Oh. Mais je viens de Rome. Mais... Ah, il est arrivé. Eh bien, ma présence confirme et en même temps annule cette dépêche. Je constate que Rome se plaît à nous soumettre au régime de la douche écossaise. Il y a eu des changements. On aurait dû nous en avertir. Vous avez été avisé dans les délais voulus. Je suis venu, cela ne s'est décidé qu'au dernier moment. Je dois d'ailleurs poursuivre mon voyage. Je ne fais que passer entre deux trains. J'espère que j'arrive à temps. Vous survenez au moment capital de notre débat. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce qui m'intéresse, ce sont vos conclusions, positives ou négatives. Vos conclusions pratiques, rien d'autre. Voilà un ton bien catégorique, monseigneur. Pense encore qu'on ne nous apporte point d'excuses pour cette volte-face et pour ce retard, mais notre présence ici signifie beaucoup de fatigue, de danger pour certains et mérite quelques égards. Le rang hiérarchique, si haut soit-il, ne donne pas droit à l'offense. Excusez-moi. À Rome, nous désirons avant tout du concret, du tangible. Sinon, comment en sortirions-nous? Il y a des décisions à prendre. Mettez-vous un peu à ma place, à mon bureau du Vatican, secrétariat d'État, deuxième étage. Des exposés interminables, des montagnes de rapports. Le mien est concret. Montrez. Le voici. C'est vous qui l'avez, vous. Pour le retour de la population au culte catholique en URSS. Oh, c'est gros. Vous visez loin. Vous êtes de là-bas. Vous travaillez là-bas. Oui. Ce serait donc un des deux auteurs. Et l'autre? Il s'est absenté quelques minutes. Nous l'attendons. Très intéressant. Ce qui a été entrepris dans ce pays est vraiment très méritoire. Extrêmement méritoire. L'approbation de toute la population catholique. Excusez-moi, est-ce bien vous l'auteur de ce rapport ou bien, je veux dire, est-il seulement l'expression de votre opinion personnelle ou bien... Le rapport exprime exactement mon opinion. Vous supposez, en somme, que le gouvernement de l'Union soviétique serait sur les bases que vous posez et avec des concessions mutuelles disposées... Je ne le suppose pas, j'en suis certain. Vous avez donc eu la possibilité d'entrer en contact avec des personnalités autorisées. À quel moment? Comment avez-vous fait? C'est comme si je les avais approchés. Comme si. En effet, bon travail. Excellent travail. C'est étrange. Certains passages, certaines phrases, du moins, me donnent l'impression que je les ai déjà lus, que je les retrouve ici. Qu'en pensez-vous? Que vous les avez déjà lus? C'est impossible. Vous éliminez la possibilité d'une manœuvre de plus vaste envergure destinée à nous tromper. Je l'élimine. Lisons. Rapprochez-vous donc. Dans la chambre voisine. Vos amis nous ont demandé de vous conduire auprès d'eux. Mais comment suis-je ici? Le peu que vous avez bu a suffi pour vous étourdir. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Vous vous sentez mieux maintenant? Oui, un peu mieux. Faites un effort, on vous attend. Certainement, oui. Stéphane. Enfin. Enfin, nous allons pouvoir éclaircir la situation. Vous permettez, monseigneur? Qu'étiez-vous devenu? Les fatigues du voyage. J'ai dû boire un peu. Excusez-moi. Pendant ce temps, il est arrivé quelqu'un de Rome. Et votre ami aussi. Mon ami? Restez. Nous n'avons pas fini. Mais oui. Alexis. Vous le reconnaissez? Alexis. Mais ce n'est pas Alexis. Comment? Est-ce Hilarion, celui qui vous a donné des instructions? Non. Non. Alors? Nous ne sommes jamais rencontrés. Parfaitement exact. Jamais. Qu'est-ce que cela signifie? Cet homme n'est pas Alexis. Et qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes Stéphane? Quoi, vous me suspectez? À cause de cette courte absence? Ah, nous en sommes là! Nous n'en sommes nulle part, calmez-vous. Nous n'allons pas faire de notre réunion un roman policier. Faisons venir la jeune femme. La jeune femme, pourquoi? Oui. C'est ridicule. Madame? Je vous en prie. Stéphane, vous la connaissez? Non. Non, je l'ai déjà dit, celui-ci ne me connaît pas. C'est Stéphane. Et celui-ci n'est pas Alexis. Comment? Il n'est pas... Non, il n'est pas Alexis. Et il n'est pas prêtre. Le véritable Alexis a été arrêté à la frontière. Cet homme a pris sa place. Mais qu'ont-ils fait d'Alexis? Assassin! Ne dramatisez pas. Nous l'avons seulement fait parler. Ce qui était nécessaire pour me permettre de venir ici à sa place en connaissance de cause. Ils attendent mon retour pour l'interroger de nouveau. Alexis n'est pas encore un martyr. Vous pouvez être tranquille. Nous n'avons pas l'intention de faire des martyrs. Plutôt ciel que ce fût vrai. Nous n'y avons aucun intérêt. Mais toi, comment se fait-il que tu sois venu ici? Qui t'en a donné l'ordre? C'est Alexis qui m'envoie. C'est merveilleux. Votre cher Alexis doit savoir faire des miracles. S'il a pu convaincre une femme comme celle-là. Alexis m'a tout raconté. Je l'ai interrogé de nouveau après ton départ. Il m'a dit que Stéphane avait rendez-vous avec lui à la frontière. Tu l'ignorais? Tu courais donc un risque inutile et tu allais être découvert. C'est ce qui est arrivé. Nous prévenons la police. Ne précipitons rien. Laissez-moi bien comprendre. Et pour quelle raison, madame, exactement êtes-vous venue? Pour lui. Et pour vous. Parce que j'en ai assez de voir des gens se sacrifier pour rien. Alors je suis venue pour l'avertir, avant que vous ne l'ayez découvert. Pour que vous ne lui fassiez pas de mal. Et pour qu'il ne vous fasse pas de mal. L'un ou l'autre? L'un et l'autre. Je ne sais pas. Il faudrait que vous compreniez sans comprendre. De l'interrogatoire d'Alexis, j'étais sortie dans un grand désarroi. Je ne pouvais plus laisser aller les choses. J'ai eu aussi envie de vous voir, vous autres. J'espérais. J'espère encore. Vous qui n'êtes pas chrétienne, vous parlez d'espérance. Mais il n'y avait plus de pourquoi. J'étais dans le vide. J'étais devant le vide, le néant. Vous, je vous ai entendu parler, vous débordez de foi, Dieu, le Christ, et aussi les hommes. Non, je ne suis pas chrétienne, bien que je sois fille de pope. Et pourtant, ne vaut-il pas mieux une foi qui soit fausse, que le néant, que ce vide où l'on se sent éclaté? Quoi, il y a une manœuvre, un piège. Et pourtant, je ne suis là que parce que je cherche à me cramponner. Oh, pas seulement avec les ongles, ils ne servent qu'à griffer les ongles, à déchirer la peau et la chair, mais avec ces mains qui se tendent vers vous, avec mes mains vers les vôtres. Tendez-moi vos mains. Somme toute, la situation est clarifiée. Les propositions que je vous ai apportées par le moyen de ce rapport sont dans les nôtres. Je ne vois pas pourquoi nous n'en poursuivons pas l'examen. Père supérieur, on devrait en effet poursuivre la discussion. En ne tenant aucun compte, bien entendu, des épanchements tout à fait singuliers de mon ex-collaboratrice. Cette espèce de crise mystique que personne ne pouvait prévoir n'a rien à faire avec la question. Nous sommes d'accord. Il faut remettre à plus tard l'examen des cas particuliers. Les respecter, mais remettre à plus tard. Eh bien, poursuivons. Je voudrais vous prier, Stéphane, et vous aussi, Hudson et Farrell, de nous laisser seuls un moment. Vous, madame, vous êtes libre maintenant de nous laisser si vous le souhaitez. Personne ici n'a le pouvoir de me faire sortir. Oui, c'est exact. J'ai renoncé moi-même à diriger ces débats. Et moi, je n'ai aucun titre à en prendre la direction. Eh bien, c'est nous qui allons vous laisser. Venez avec moi, par ici. Encore vous? Vous écoutiez aux portes comme d'habitude. Après tout, il vaut encore mieux que ce soit vous qu'un autre. Non, je n'écoutais rien. Je voulais seulement vous parler à vous trois. Précisément à vous trois, et je vous trouve ensemble. C'est une chance. Séparément, vous jouez chacun votre partie. Il peut y avoir de petites fausses notes. Mais ensemble, vous êtes l'harmonie, l'équilibre, la sphère de perfection. Pourquoi vous tient-on à l'écart? À vous trois, vous représentez la substance. Vous êtes le feu, el fuego. Le feu? Le feu. Je vous regarde séparément, tous trois, chacun avec son caractère propre et la chaleur particulière de son âme. Vous êtes des pionniers, mais ne soyez pas des solitaires. La contemplation, les œuvres, l'amour prennent leur sens l'un par l'autre, unis en un tout rayonnant comme les trois personnes de la Sainte Trinité. Tenez-vous par la main, étroitement, une fois pour toutes. Trois en un, toujours unis, toujours appliqués ensemble à une même tâche, vous enflammerez le monde, et le monde brûlera de votre feu, el fuego. Ici même, et de ce moment, naît peut-être une nouvelle ère chrétienne. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Que t'importe de savoir qui je suis si mes paroles emplissent ton cœur? Les autres jésuites viennent de rentrer. Je veille sur vous. Je me penche sur vous tandis que vous êtes à la tâche dans la solennité de vos palais romains, avec plus de tendresse, avec plus d'anxiété, avec plus de joie parfois que sur tout autre, parce que je vous veux triomphant. Le combat est dur. Je le sais. Je sais qui vous êtes. Je sais aussi qui vous allez devenir. Qui je vais devenir? Vous êtes déjà placé à un rang bien plus élevé que vous ne l'avez laissé croire à nos frères. Vous serez bientôt le guide suprême. Qui vous envoie? De qui tenez-vous votre certitude? Vous êtes le directeur. Vous portez vraiment un grand intérêt aux affaires de notre compagnie? Je suis né à Loyola. Maintenant, il faut que je poursuive mon voyage. Vous nous abandonnez si vite, Monseigneur. Quelque chose vous a-t-il déplu? Mais quelle est l'opinion de Rome sur notre réunion? Il nous faut le savoir. Permettez-moi de n'exprimer aucune opinion. Une impression, au moins. Une impression. Bien. Pendant les quelques instants que je viens de passer ici, j'ai eu le sentiment de me retrouver dans les catacombes. Vous êtes l'âme et le cœur de l'Église. Restez unis. Ne vous dispersez pas, ne faiblissez pas. Et si vous êtes dans l'incertitude, ne partez pas d'ici sans avoir revu celui qui vient de sortir. Écoutez-le, regardez-le. Je vous le recommande. Priez pour moi, j'en ai besoin. J'écoute. Ah, bien, merci. Ne quittez pas. Monseigneur, la direction demande s'il faut vous appeler une voiture. Une voiture? Mais, permettez, passez-moi le téléphone, s'il vous plaît. Voulez-vous prier le directeur de monter immédiatement? Oui. Oui, sans le moindre retard. Merci. Il monte. Nous allons peut-être y voir un peu plus clair. Peut-être. Entrez. Vous désirez me voir, messieurs? Mais nous avons demandé le directeur. Parfaitement, je suis à vos ordres. Y a-t-il quelque chose dont vous ne soyez pas satisfait? Nous désirons parler au directeur lui-même. C'est moi? Ah, excusez-moi, nous désirons parler à l'autre directeur. Mais je suis le seul directeur. Le seul directeur? Mais il doit y avoir une erreur. Voulez-vous que je tire la chose au clair? Non, je vous remercie. L'erreur, c'est nous qui avons dû la commettre. Oui. C'est nous qui avons commis l'erreur. Sans aucun doute. Une de plus. Ainsi, vous n'avez pas besoin de moi. Non, merci. Excusez-nous de vous avoir dérangé. À votre service. Devenir. Qui croyez-vous qu'il puisse être? C'est quelqu'un qui était avec nous, qui était venu pour nous et que nous n'avons pas su reconnaître. Un Espagnol. Je suis né à Loyola. Non. Non, ce n'est pas possible. Pas possible. Ignace de Loyola. Ignace revenu parmi nous. Mais il y aurait eu un signe. Monseigneur, Monseigneur, il y aurait eu un signe. Il y a peut-être eu signe. Était-ce lui? L'avons-nous vu? Toute vision véritable est intérieure. C'était lui. Lui, l'objet de notre amour, impétueux et fier. Lui, avec ses yeux pleins d'éclairs. Il vous a dit que vous importe de savoir qui je suis, que vous importe la bouche par laquelle la vérité vous parle, si elle est la vérité. Il nous a annoncé que tous trois ensemble, nous allions enflammer le monde. El fuego. Que tous trois, nous donnerions naissance à une nouvelle ère chrétienne, à la condition de rester unis. Tous trois, ensemble. Alors donnez-vous la main. Précédez-nous, nous vous suivons. Le Théâtre populaire de juin 44 vous a présenté, dans une production de Maurice Bertrand, Le signe du feu, de Diego Fabri, adaptation de Thierry Monnier et Costa Durels. Avec le supérieur Pierre Peloux, Stéphane Jean Negroni, Pedro Jean Brassa, Hudson Bachir Touré, Farel Alain Mottet, Ignace de Loyola Jean-Roger Cossimon, Le Voyageur Bernard Véron, L'Étrangère Moni Dalmès, Alexis Jacques Fayet, La Jeune Fille Anne Doat, Le Jeune Homme Marcel Alba, Monseigneur Jean-Paul Moulineau, Le Standardiste Pierre Ferval, Le Directeur Robert Verani, La Récitante Olga Nilza. Prise de son Madeleine Sola assistée de Pierre Brault. Réalisation Arlette Dave.